c'est l'heure de la chronique consommation sur Radioactive avec Joël Constanza, responsable communication de l'association UFC Que Choisir 37. Bonjour Joël. Bonjour. Alors en ce mois de septembre, un petit peu bousculé, il est important d'organiser son budget et faire des économies, Joël. Oui, tout d'abord, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un contexte, hein, bon ou mauvais, pour organiser ses dépenses et puis donc justement économiser. Alors nous avons dans notre quotidien des dépenses, certaines fixes et obligatoires, et puis d'autres plus accessoires, voire parfois inutiles. Des dépenses aussi de plaisir. Hein. Oui. Donc il faut apprendre à gérer ces différents budgets et surtout ne pas se laisser mener par ces dépenses. Il faut reprendre la main sur son budget. Alors ça, c'est facile en théorie, mais dans la réalité. Ah oui, je sais, c'est facile en théorie de le dire, mais dans la réalité, c'est plus difficile. Eh bien, cela s'apprend. Il faut tout d'abord suivre son budget. Alors d'un côté, ce que vous gagnez, et de l'autre, toutes vos dépenses obligatoires, on l'a dit, loyer, remboursement de prêt par exemple, assurance, etc. Et aussi vos dépenses variables, comme l'alimentation, les loisirs, etc. Et vous suivez chaque mois, et puis éventuellement, vous réajustez votre budget, repérez là où vous dépensez trop, là où vous dépensez moins. Mmh. Et puis, il y a donc des petits plans pour dépenser moins, et cela, eh bien, nous allons en parler ensemble. Alors économiser, c'est aussi penser autrement la consommation, peut-être consommer moins, réparer au lieu de jeter et remplacer. Oui, tout à fait. À moins consommer, c'est aussi consommer autrement, plus durablement, de manière raisonnée. Par exemple, acheter local afin de supprimer les intermédiaires, par exemple au marché, hein, voir les producteurs en direct, acheter de saison des fruits et des légumes qui seront automatiquement moins chers. Hein. Par exemple, on n'achète pas de fraises en hiver, ça c'est clair. Réparer au lieu de jeter, donner une seconde vie à vos objets, acheter des objets de seconde main moins chers, ça c'est important aussi. Et puis en Indre-et-Loire, il y a beaucoup de sites d'entraide entre voisins, hein, des Facebook de voisins par exemple, des sites de dons, alors je peux citer donon.org, toutdonner.com, etc. Vous avez aussi des ressourceries, des friperies pour les vêtements, des magasins de l'association par exemple Active ou de l'association L'Armoire sans fin. Hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'adresses sur l'Indre-et-Loire. Réfléchir avant chaque achat. Ah oui, ça c'est important. Avant chaque achat, se poser des questions. À quel besoin cet achat répond-il chez moi? En ai-je besoin immédiatement? Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui pourrait éventuellement faire l'affaire au lieu de l'acheter? Ce serait quand même mieux. Mmh. Est-ce qu'il faut faire attention aux fausses promotions? Alors, oui, parce que la législation a beau avoir été renforcée en rendant obligatoire de prendre comme prix de référence, vous savez, le fameux prix barré, celui à partir duquel est calculé en fait le montant de la ristourne, hein, vous savez, dans toutes les promotions, les soldes, etc. Normalement, ce prix, ça doit être le plus bas qui a été pratiqué dans le mois précédant l'entrée en vigueur de la promotion. Donc, c'est fait pour protéger les consommateurs contre les fausses promotions. Alors, attention, dans ces périodes de promotion, on a souvent l'impression de faire de bonnes affaires, mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. Et généralement, dans les promotions indiquées, les consommateurs ne doivent pas être dupes et ne se fier aux ristournes affichées. Hein. Ils doivent, au contraire, plus que jamais, suivre l'évolution des prix de vente, comparer les offres entre les différents marchands. Et puis, on le dit toujours, si je trouve un manteau à 50 euros au lieu de 80, si je n'en ai pas besoin, ça ne sert à rien. J'aurais dépensé quand même 50 euros. Eh oui. Et alors, les achats en 3 ou 4 fois sans frais, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ah oui, tous les commerçants en boutique ou sur Internet hein, proposent souvent des financements attractifs à leurs clients, payés sans frais 3 ou 4 fois, etc. Hein. Alors, quand vous avez besoin, par exemple, d'un nouveau smartphone, d'un ordinateur, hein, vous êtes attiré par ces promesses de payer le produit en plusieurs fois, normalement, sans que cela doit vous coûter un euro de plus. Alors, avant toute chose, moi, je demande toujours aux gens de bien relire les petites lignes du contrat, parce que généralement, toutes ces accroches commerciales, en fait, vous amènent vers un authentique crédit avec des intérêts, et donc cela va vous coûter de l'argent. Alors, côté alimentaire, c'est évidemment un poste de dépense important. Est-ce que vous avez des conseils? Oui, alors des conseils un petit peu de bon sens. Hein. Lister les courses avant d'aller au supermarché hein, pour restreindre justement les dépenses superflues. Hein. Ça. Faire une liste de menus, éviter d'aller faire vos courses le ventre vide. Et ça, mais c'est tellement vrai. Mais oui, parce que vous serez beaucoup plus tenté. Hein. Et puis en magasin, deux réflexes à adopter. Hein. Regarder le prix au kilo, comparer et limiter les achats de produits transformés. la viande et le poisson, hein, parce que nous mangeons tous trop de protéines animales, et ces dernières peuvent être facilement remplacées par des légumineuses, par exemple, qui ont les mêmes qualités nutritionnelles, qui coûtent moins cher et qui ont un impact bien moindre sur la planète. Alors, je le dis toujours, hein, cuisiner soi-même, ça s'avère souvent plus sain et souvent plus économique que d'acheter pour chaque repas. Et puis aussi, on conseille aussi de préparer les menus en grande quantité. Ainsi, on pourra les faire congeler puis les réchauffer si besoin. Tellement agréable de rouvrir son bocal de tomates l'hiver, hein, quand on les a préparées pendant l'été. Alors, attention aux pseudo-bonnes affaires aussi, Joël. Oui, bien sûr, parce que dans les magasins, les consommateurs doivent toujours rester vigilants pour ne pas se laisser abuser par les pseudo-bonnes affaires. Vous savez, par exemple, le produit présenté en promotion, donc a priori moins cher, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut toujours comparer le prix de l'offre promotionnelle avec le prix habituel. Alors pour cela, hein, il faut aller relever le prix à l'unité, au kilo ou au litre, hein, proposé dans la promotion, et le comparer au prix à l'unité de mesure dans son conditionnement habituel. Parce que si on vous propose un produit habituellement vendu à 10 euros le kilo, pour 9 euros, mais qu'il n'y en a que 850 grammes, bah, ce n'est pas du tout une bonne affaire, non, hein, vous le comprenez évidemment. Bien. Est-ce qu'il y a des produits en format familial ? Enfin, il y a aussi ce type de produit. Est-ce que ça, c'est... Ah bon, ça, c'est un classique, hein, ça attire l'œil, mais ça ne veut pas toujours dire grand-chose en définitive. Hein, parce qu'il nous est tous arrivé de constater que pour un même produit, que le format dit familial, c'est-à-dire plus grand, eh ben, que ce produit est plus cher au kilo que le format classique. Et ça, c'est vraiment un classique. Eh bien, merci pour tous ces bons conseils, Joël Constanza. On se retrouve la semaine prochaine dans la chronique Consommation pour donner encore de bons conseils à nos auditeurs. Merci. Merci, au revoir.